Continent Science, Stéphane Deligeorge. J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité. En ouverture de cette semaine consacrée au nucléaire, à l'occasion indirecte aussi des 70 ans du CEA, bien sûr, Continent Science en ouverture donc de cette semaine, toujours en direct du studio numéro 1 de la Maison de la Radio. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, en ouverture, eh bien simplement, nous regardons vers le futur. Nous regardons vers les réacteurs ou les manières nucléaires de produire de l'énergie, mais pour plus tard, les prototypes, les nouveaux modèles. On va voir tout de suite, d'ailleurs, comment les choses se profilent pour l'avenir. Et pour cela, deux invités, Christophe Béard, il est directeur de l'énergie au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives du CEA. Et puis Daniel Eher, qui est en duplex avec nous, depuis Grenoble, et qui lui est directeur de recherche au CNRS, spécialiste des réacteurs à combustible liquide et à la filière thorium. Tout ça, nous allons bien évidemment vous l'expliquer, mais même dans cette occasion atomique, pour ne pas perdre nos habitudes, et bien tout de suite la chronique animalière. Pour cette chronique animalière, je retiens les caprins, c'est-à-dire les chèvres et leurs mâles. Le bouc, en somme. L'odeur du bouc nous fait suffoquer, surtout si, comme moi, il vous est arrivé dans votre jeune âge ou plus tard de vous occuper de chèvres, mais pour les conduire à pâturer. Il dégage, le bouc, une sorte d'odeur d'alcali qui coupe presque le souffle. Mais cette odeur affriole ces femelles qui sentent dans ces effluves un fort parfum de séduction. Les bases moléculaires de cet envoûtement ont été éclaircies par des chercheurs japonais. Chez les caprins, l'effet mâle, entre guillemets, est connu. Quand on introduit un bouc dans un troupeau de chèvres, en repos saisonnier, cela déclenche une réponse hormonale durable des femelles. Alors que les chèvres n'avaient aucun cycle ovarien, elles se mettent à produire les hormones qui éveillent ou réveillent cette activité ovarienne donc. L'odeur seule de la toison du bouc déclenche cette réponse, mais plus tardivement. L'action de cette odeur, que l'on appelle aussi eau de mâle, est attribuée à ce qu'on appelle encore des phéromones-like, des molécules qui servent de messagers chimiques entre individus, notamment pour contrôler l'attraction sexuelle. On connaît de nombreuses phéromones qui provoquent une attraction sexuelle immédiate, notamment chez les insectes bien sûr, mais très peu qui gouvernent le fonctionnement ovarien des femelles de mammifères. En particulier, répétons-le, elles n'ont jamais été trouvées chez l'homme pour fournir un parfum enivrant qui pousserait à quelques frénésies sexuelles. Et voilà que l'équipe de Ijo Mori de Tokyo a collecté les essences volatiles émanant de la tête du bouc. Déjà suspectés d'être en cause, ces essences volatiles. Pour cela, ils ont utilisé des chapeaux sur mesure, contenant un gaz absorbant que les boucs, entiers ou castrés, ont porté durant une semaine. Un panel de molécules, des aldéhydes et des cétones spécifiques des mâles entiers ont ainsi été identifiés. Parmi elles, un aldéhyde, je vais le dire doucement, le 4-éthyloctanal. C'est curieusement un additif alimentaire qui exhale une sorte d'odeur citronnée. Il est chimiquement très proche de la molécule responsable du fumet du bouc. Lui, c'est l'acide éthyloctanoïque. Puis, les chercheurs ont analysé l'effet de ces molécules sur le cerveau des chèvres à l'aide d'enregistrements électrophysiologiques. Il montre que ce fameux 4-éthyloctanal active dans l'hypothalamus des femelles une région qui génère un rythme spécial d'activité électrique. Celui-ci déclenche à son tour la production par l'hypothalamus de l'hormone GnRH, je décline pas l'acronyme, et celle-ci provoque à son tour la libération par l'hypophyse de l'hormone lutéinique, celle-là qui gouverne le fonctionnement cyclique de l'ovaire. Le gouvernement cyclique et son fonctionnement de l'ovaire. C'est en somme comme une façon pour le mâle de capitaliser sur le futur, en s'assurant de la fertilité des femelles que cette production. Et ces résultats ont une piste très intéressante. Mais seules 6 chèvres ont été testées et celles-ci avaient été ovari-ectomisées. Il faudrait, pour confirmer ce résultat dans un modèle physiologique complet, conséquent, indiquent les spécialistes sur la question, recommencer donc le protocole. En tout cas, un des rêves des éleveurs serait de reproduire l'effet du mâle à l'aide des composés volatiles. Mais je pose cette question. Et je la pose encore à nouveau, pourquoi vouloir autant artificialiser la reproduction du bouc et de ses conjointes ? Bonjour Christian Béard. Bonjour Stéphane. Bonjour Daniel Leher. Est-ce que vous m'entendez à Grenoble ? Bonjour Stéphane. Vous êtes bien installé ? Ouais, très bien. Très bien. Alors, On est bien ici. C'est vrai ? Bon, on est bien en Isère, vous n'avez pas trop froid. Allez, c'est les petites questions d'usage quand on est loin comme ça et séparé et qu'on le regrette d'ailleurs. Voilà, je préférerais infiniment que vous soyez à côté de nous. Ainsi sont les choses. Je vous propose, si vous voulez bien, Christophe Béard, que très simplement, on reprenne les principes élémentaires, sans entrer dans trop de détails, puisque, grosso modo, il y a deux grands processus dans la nature. Il y en a mille autres, mais enfin bon, je choisis bien évidemment ceux-là parce qu'ils nous concernent. Il y a le principe de la fusion nucléaire, à l'instar de ce que fait sans arrêt notre étoile Soleil. Ce qu'ont fait les supernovae dont on a traité il y a peu et qui ont produit en particulier tous les éléments lourds, très lourds. On va y retrouver évidemment l'uranium, le dernier de la table de Mendeleïev au numéro 92. Et puis il y a la fission. Alors là, je vous laisse la parole. Oui, Stéphane, vous avez raison de dire qu'il y a en fait et que nous utilisons deux façons de produire de l'énergie à partir des noyaux nucléaires. D'une part la fusion et d'autre part la fission. Très rapidement, que se passe-t-il quand on veut faire fusionner deux noyaux ? Tout d'abord, quand on fait fusionner deux noyaux, on va créer un noyau un peu plus lourd, oui. On va dégager de l'énergie. Et pour ce faire, on doit être capable de rapprocher ces noyaux très fortement. Ce qui n'est pas simple parce que ces noyaux n'ont pas naturellement tendance à se rapprocher, ils ont plutôt tendance à s'éloigner. Bien sûr, oui. On est obligé donc de créer un milieu qui est à très haute température et l'agitation thermique dans ce milieu va conduire des noyaux légers parce que c'est plus facile à manipuler, en particulier du deutérium et du tritium, à fusionner. C'est ce qu'on utilise typiquement, ou ce qu'on pense utiliser, dans les réacteurs dits de fusion, comme le réacteur ITER, qui est en cours de construction à Cadarache. À Cadarache, oui, dans la vallée du Rhône, et qui est un projet international. Hein. C'est un projet qui est international, qui regroupe un très grand nombre de pays, parce que, et c'est un peu vrai aussi dans le nucléaire de fission, le développement de très grandes machines prototypes nécessite des moyens extrêmement importants, oui. Et des coopérations internationales fortes. Et puis, il y a l'autre façon de produire de l'énergie, qui est celle-ci plus répandue, qui consiste à utiliser la fission de noyaux difficiles. Alors, qu'est-ce qu'un noyau fissile ? C'est un noyau qui, quand on le bombarde avec un neutron, va se couper en deux ou plusieurs parties. Ces deux nouveaux noyaux créés sont ce que l'on appelle les produits de fission. Ces produits de fission partent avec une certaine vitesse, une certaine énergie cinétique, et en les ralentissant, on récupère finalement l'énergie de la fission. Mais en plus de ces deux produits de fission créés, on crée un certain nombre de neutrons qui vont eux aussi interagir avec des noyaux fissiles pour créer une réaction en chaîne. Ça démarre. Et ça se poursuit. Ça démarre et ça se poursuit. C'est le principe de réaction nucléaire qui est utilisé dans les réacteurs électronucléaires aujourd'hui, avec quand même un contrôle, bien entendu, de la réaction en chaîne. C'est-à-dire que l'on doit faire en sorte que la génération de neutrons N plus 1, c'est-à-dire celle que l'on a créée, cette génération de neutrons doit être égale à la génération de neutrons N. Dit autrement, il ne faut pas que la réaction nucléaire s'emballe. Donc on contrôle très précisément la population de neutrons et donc le nombre de réactions nucléaires dans les réacteurs électronucléaires actuels. Les noyaux fissiles sont connus, c'est essentiellement l'uranium-235, oui. Le plutonium-239. Il me paraît intéressant aussi, parce que nous serons amenés à en parler par la suite, d'introduire la notion de noyau fertile. Oui. Donc ces noyaux fertiles sont des noyaux qui intrinsèquement, lorsqu'ils sont bombardés par des neutrons, ne vont pas se fissionner, comme je l'ai décrit avec l'uranium-235, mais vont créer un corps qui, par décroissance radioactive, deviendra, lui, fissile. Il y a deux types de noyaux qui sont intéressants pour être fertiles. C'est d'une part l'uranium-238 qui est avec l'uranium-235 dans l'uranium naturel. Et c'est d'autre part le thorium-234 dont on sera amené à parler par la suite. Celui dont vous venez de parler en dernier, donc, il est bien évidemment dans les mines de minerais d'uranium-92 que l'on trouve, mais il comporte aussi donc ces éléments qui sont de l'uranium avec un numéro atomique supérieur. Oui, hein, donc dans l'uranium naturel, vous avez raison de le souligner, on a essentiellement de l'uranium-235 qui est fissile. On a de l'uranium-238 qui est fertile et quelques traces d'uranium-234, mais c'est essentiellement les deux isotopes importants, 235 et 238. Alors on peut peut-être poser tout de suite la question à Daniel Leher et je reviendrai près de vous, Christian Béard. Daniel Leher, si on regarde celui qui vous importe, c'est le thorium, c'est bien ça? Oui. Et donc celui-ci, comment est-ce qu'on peut le décrire? Puisque avec l'uranium-92, c'est l'un des éléments particulièrement intéressants, puisque vous êtes dans la filière, une filière tout à fait différente que celle que va décrire dans quelques instants Christophe Béard. Donc vous êtes, vous, avec ce minerai-là, et en tout cas cet élément de thorium. Oui, en fait, Christophe Béard l'a bien décrit, il y a deux noyaux fertiles possibles. En fait, il faut expliquer pourquoi on est intéressé par ces noyaux fertiles. Oui. C'est parce que en noyaux fissiles, il y a que l'uranium-235 qui est disponible dans la nature et qui est oui. en très faible proportion. C'est 0,72% de l'uranium. C'est ça, oui. Donc si on veut faire du nucléaire durable, on ne va pas pouvoir se contenter d'utiliser que cet uranium-235 et donc il va falloir faire appel à ces uraniums fertiles qui vont permettre de produire la matière fissile dont on aura besoin dans les réacteurs du futur. Donc en particulier, il y a l'uranium-238 qu'on a déjà en grande quantité disponible et le thorium qui est aussi un sous-produit d'exploitation des terres rares par exemple, mais qui existe en très grande quantité dans la nature et qui donc est fertile, qui permet, lorsqu'il capture un neutron, par décroissance, de produire un autre uranium. Encore un autre, c'est oui. l'uranium-233, cette fois-ci. Le 33, oui, celui-là. Il est et cet uranium-233, oui. Voilà, et donc lui, il est fissile. Et c'est un excellent fissile dans le sens où il a une faible probabilité de capturer sans faire de fission, c'est-à-dire de prendre un neutron et de rester... un noyau d'uranium plutôt que de fissionner. Les autres noyaux fissiles ont une tendance à capturer et il faut avoir les neutrons qui ont la bonne énergie pour pouvoir leur faire suffisamment de fission. C'est ça, et on verra qu'il y a une gymnastique en particulier, ou plutôt enfin une technique qui utilise des neutrons qui sont lents, dits lents. On en dira évidemment un mot, et après on passera aux neutrons rapides et on verra les différences. Simplement question, alors je peux l'adresser à l'un ou à l'autre, mais je vous l'adresse à Christian Béard. Quelle est la proportion sur la Terre d'uranium-92 et de thorium? Alors, je pense que dans la thorite, hein, on peut dire pour être complet que le minerai c'est la thorite. Je pense que l'uranium est naturel, est une ressource relativement rare, en particulier, comme l'a dit Daniel, si on l'utilise mal, c'est-à-dire si on utilise son seul isotope fissile qui est l'uranium-235. Par contre, et ça a été rappelé, si on l'utilise pleinement, y compris l'uranium-238, on se rend compte que c'est une ressource qui écrase toutes les autres ressources, y compris le pétrole, le gaz et le charbon. Le thorium est 4 fois plus abondant dans l'écorce terrestre que l'uranium. Donc ce thorium 232, avec le schéma qui a été décrit tout à l'heure, conduisant à l'uranium 233, est potentiellement, peut-être potentiellement, à la source d'une production d'énergie électrique importante. Alors on peut peut-être aussi pour finir dire où est-ce qu'on trouve ces minerais, en particulier celui du thorium qui est plus abondant donc que celui du uranium. D'un mot, Daniel Heer, est-ce que vous pouvez nous dire la géographie des gisements ? Ou alors ça je vous le savez pas. Je suis pas spécialiste en fait en la matière. D'accord. Vous n'êtes pas géologue dans la circonstance. Il faut préciser. Voilà, je suis c'est pas ça, géologue. Évidemment. Mais il faut peut-être préciser une chose importante. Actuellement, oui. Dans les réacteurs qu'on utilise, pour arriver à produire avec un réacteur, disons, pendant un an, on va avoir besoin en gros de 200 tonnes d'uranium. Pour faire la même chose avec de l'uranium-238 qui se transforme en plutonium-239 pour fissionner ou du thorium-232 qui se transforme en uranium-233 pour fissionner, oui. On a besoin que d'une tonne. Oui. Donc, en gros, on a besoin de 200 fois moins de matières premières. D'accord. Vu comme ça, en fait, les ressources ne sont plus vraiment un problème. Et en fait, on trouve du thorium et de l'uranium de partout. On a déjà en France 8000 tonnes de thorium sur étagère parce que c'est un coproduit de la production des terres rares. Oui. On aurait besoin, par exemple, en France, pour tout le nucléaire français actuel, 60 tonnes d'uranium 238 ou du thorium 232 permettrait de produire toute l'électricité de la France pour un an. Donc ce sont des quantités très faibles, et donc où on peut trouver ces minerais, finalement, n'a plus vraiment d'importance. Oui, petite remarque. Des quantités faibles. Oui, peut-être, Christophe Béard. Peut-être, Daniel, un complément. On a dit tout à l'heure qu'on était susceptible d'utiliser pleinement l'uranium-238. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on a énormément d'uranium-238? Tout simplement à côté de nos usines d'enrichissement dans la vallée du Rhône. Donc on dispose là d'un stock extrêmement important d'uranium-238, qui est une sous-opération d'une opération du cycle du combustible qu'on appelle l'enrichissement. Et à l'horizon 2030, prenant cet uranium qui est disponible déjà, le mixant avec du plutonium, on y reviendra par la suite, on serait, qui est aujourd'hui contenu et qui sera contenu dans les combustibles des MOX usés provenant des réacteurs à eau légère actuellement en fonctionnement. Petit mot, les MOX, donc c'est un complexe. Les MOX, hein, c'est un mélange d'uranium et de plutonium dans certaines proportions. Oui. Dans les MOX des réacteurs à eau légère en fonctionnement, la quantité de plutonium est typiquement de 8 à 10%. Mais si on prenait ce plutonium contenu dans des MOX usés, c'est-à-dire qui sont déchargés des réacteurs électronucléaires, qu'on le mélangeait avec l'uranium appauvri, dont nous avons de très grands stocks près du Tricastin, on serait capable, avec des réacteurs à neutrons rapides, qui utilisent très bien ce plutonium et cet uranium 238, produire de l'électricité pendant plusieurs milliers d'années. France Culture, Continent Science. Stéphane Delisgeorges. Suite donc de ce numéro de Continent Science est délibérément dirigé vers les accélérateurs du futur. D'ailleurs, première remarque, j'ai été moi surpris de voir, je peux en faire deux d'ailleurs de remarques, j'ai été surpris et ça a éveillé ma curiosité puisque à l'évidence quand on pense centrale nucléaire on pense au CEA bien évidemment, et j'ai été très étonné de découvrir qu'il y avait cette filière de thorium dont Daniel Heer est ici le représentant dans cette émission, et donc il n'y avait pas de la recherche pour des réacteurs futurs au CEA, ce qui semble être d'une certaine manière son objectif, un de ses objectifs principaux, mais qu'il y avait aussi une recherche académique. Voilà, petite remarque, et donc qu'il y avait là encore la possibilité, compte tenu maintenant, et vous allez nous les expliciter, des règles de prudence, de sécurité, de facilité de maintenance, de plus en plus strictes, de plus en plus dures, et donc qu'on réfléchissait à trouver, on appelle ça quoi, des nouveaux designs, des nouveaux concepts, il y a plusieurs termes pour désigner ces espèces de prototypes, pas des pilotes encore, hein, puisque ça serait le début d'une presque industrialisation de la chose, hein, mais vous les appelez alors, comment spontanément? Donc on parle, et on va probablement parler de deux concepts de réacteurs dits de quatrième génération. Oui, on va en parler, c'est sûr. Donc, juste quelques mots peut-être, pourquoi quatrième génération? Oui. Dans le domaine du nucléaire, la sûreté progresse par étapes. On a eu des réacteurs de première génération en France, qui étaient des réacteurs de type uranium naturel graphite gaz. Oui. Les réacteurs électrogènes aujourd'hui sont des réacteurs de deuxième génération, ce sont des réacteurs à eau légère. La troisième génération, qui est en cours de construction, ce sont aussi des réacteurs à eau légère. Et qu'est-ce qui différencie la génération 2 et la génération 3? C'est l'intégration, le retour d'expérience obtenu suite aux grands accidents tels que Three Mile Island, oui, tels que Tchernobyl. Oui, le cœur qui fond dans le cas, premier cas. Voilà, oui. Le retour maintenant de Fukushima et les attentats du 11 septembre. C'est ça. Vous avez dit, vous n'avez pas dit son nom, c'est celui de Flamanville, c'est le PR, hein, absolument, pour la troisième génération. Un point quand même sur lequel vous me permettrez de revenir. Il y a effectivement des études académiques, et Daniel nous en parlera, mais il y a des développements de réacteurs au sein du CEA de quatrième génération, refroidis au sodium, et je pense qu'on y reviendra. Oui, je vais juste avant de vous solliciter, cette fois comme acteur, puisque vous avez été non seulement présent, mais en plus vous avez eu un rôle d'importance pour une certaine réunion dont on va rappeler les dates et le nom. Deux dernières petites définitions, si vous voulez bien, mais le plus rapidement possible. Pourquoi est-ce qu'il est important, puisque l'un et l'autre, vous m'avez fait remarquer, en particulier Daniel Heer, qu'il fallait, pour arriver à décrire, on va faire que le schéma, on va faire le squelette, on va expliquer les grands principes de ces deux modèles, il était important d'avoir en poche le concept de criticité et celui de puissance résiduelle. Alors, la criticité, je vous en ai parlé tout à l'heure, je vous avais dit que ce coefficient K, qui est le rapport, oui, d'une population de neutrons, c'est au niveau N plus 1 sur la population de neutrons au niveau N, doit être maintenu très précisément, très proche de 1. Autrement, c'est l'emballement. Autrement, c'est l'emballement ou, au contraire, l'arrêt des réactions nucléaires. L'arrêt, oui. Donc ça, c'est la première chose. Et la criticité est contrôlée par des boucles de contre-réaction qui peuvent être diverses et variées. Température de fluide, de combustible, l'insertion ou non d'absorbant neutronique à l'intérieur du cœur. La puissance résiduelle, c'est important d'en parler parce que ce qui s'est passé à Fukushima est lié à un problème d'évacuation de cette puissance résiduelle. Oui. Qu'est-ce que c'est la puissance résiduelle? Supposez que vous ayez arrêté toutes les réactions nucléaires, vous avez encore dans votre combustible des corps qui sont radioactifs, qui donc émettent encore sous forme de différentes particules radioactives l'énergie, de la chaleur. C'est ça. Et même alors que les réactions nucléaires sont arrêtées, il est nécessaire absolument d'évacuer cette puissance résiduelle dans le temps pour éviter les problématiques celles de Fukushima. C'est ça. Alors, sur proposition, en prenant l'initiative, les Américains, sous la houlette d'ailleurs de leur institut de l'énergie, je ne sais pas comment est-ce qu'il s'appelle. DOE, hein, Department of Energy. Voilà, Department of Energy. En l'an 2000, est lancée l'idée d'un programme international où doivent être proposés des schémas, des concepts, encore une fois, la fin du processus, avec la volonté d'arriver à un certain nombre de processus qui seront retenus, qui seront mis au travail, qui seront donc les exemples de ces centrales nucléaires de quatrième génération. Vous en étiez et vous avez signé pour la France. Alors, effectivement, en 2000, le département de l'énergie américain lance de façon internationale l'examen des systèmes nucléaires, et par système j'entends réacteurs et cycles du combustible associés, qui permettront de répondre à terme aux quatre critères suivants. Premièrement, une sûreté accrue. C'est ça. Deuxièmement, une résistance accrue à la prolifération nucléaire. Troisièmement, une compétitivité. Et quatrièmement, ces systèmes doivent permettre un développement durable du nucléaire. Entre 2000 et 2002, plus d'une centaine de concepts sont proposés, examinés par les experts de ces différents pays. Et en 2002 émergent 6 filières de réacteurs, 6 systèmes du futur, que sont les réacteurs à neutrons rapides refroidis au gaz, ceux refroidis au sodium, ceux refroidis au plomb bismuth, les réacteurs à sel fondu, les réacteurs à très haute température et les réacteurs à eau supercritique. En 2002 est écrite une roadmap de développement de ces systèmes, roadmap qui a été revisitée en 2013. Guide, quand vous dites roadmap, oui, c'est un guide de développement. C'est un guide de développement, oui. Alors, donc, là, il y a évidemment plusieurs modèles. Il y a une chose importante, parmi, donc, les principes que vous avez définis, bon, il y en a un d'évidence, c'est la sécurité. Vous allez rechercher la sécurité, elle est déjà en acte, de toute façon, pour partie, à Flamanville, dans l'EPR. Bien sûr. Avec un certain nombre de considérations, mais on va pas s'occuper de cette affaire-là aujourd'hui. Sécurité, donc, et puis aussi renouvelable. Alors, renouvelable, ça me fait tout de suite penser à régénérateur, surgénérateur, isogénérateur, que sais-je encore. Alors, développement durable du nucléaire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire au moins deux choses pour le nucléaire. Premièrement, c'est faire attention à la ressource. Et on a dit tout à l'heure que si on utilisait que l'uranium-235, ça posait un problème. Donc il fallait mieux utiliser l'uranium-238 et mieux utiliser le plutonium. Et puis, le deuxième volet de ce développement durable du nucléaire, c'est la problématique de la gestion des déchets. Et nous grave problème. Problème embêtant, oui. Et nous verrons que ces réacteurs sont capables de participer à la gestion des déchets nucléaires de très haute activité à vie longue, parce qu'ils utilisent des neutrons rapides. Ils sont capables en particulier de brûler trois corps que nous appelons les actinides mineurs, américium, neptunium et curium, qui participent à la radiotoxicité intrinsèque des déchets, c'est-à-dire à l'effet que pourraient avoir ces déchets de haute activité à vie longue sur le corps humain. Et quand on note ces trois actinides mineurs de ces déchets de très haute activité nucléaire, de très haute activité à vie longue, on se rend compte que la radiotoxicité intrinsèque diminue très fortement. Pour être identique à celle d'une mine d'uranium naturel, comme on peut en trouver en Vendée ou à Limoges, au bout de 200 à 300 ans. Ou celle du Gabon qui fonctionne toute seule aussi. Qui a fonctionné, effectivement. Et ça, c'est important parce que quelques centaines d'années, c'est quelque chose qui parle à l'échelle humaine. Alors que si vous dites la radioactivité va diminuer, la radiotoxicité va diminuer pour être identique à celle d'une mine d'uranium dans plusieurs millions d'années, ça ne parle pas à l'humain. Ben oui, c'est toute la différence entre ce qu'on peut appeler les chiffres historiques et les chiffres astronomiques, hein, d'une certaine manière. Absolument. Et puis en plus, il y a une vraie malice, c'est-à-dire que là, la mécanique quantique pose des problèmes. C'est une toute petite remarque, mais on va avoir un premier type de particules nucléaires avec une demi-vie, j'exagère, hein, pour me faire comprendre, d'une semaine et demie, et puis pof, avec une nouvelle synthèse, et on monte en grade ou on monte en nombre de neutrons à l'intérieur du noyau, et là, on est parti pour 3 milliards d'années, quoi. Enfin, là encore, j'exagère. Quoi. Là, c'est vraiment pas facile. Hein. La malice de la nature avec la mécanique quantique ne simplifie pas les choses. C'est pas aussi clair et beau, bien ordonné que le tableau de Mendeleïev de ce point de vue. Alors, ce qu'on peut peut-être imaginer maintenant, et là, malheureusement, on arrive presque à la nuit, c'est juste un petit repos musical et on va arriver à la description des deux. Allez, prototypes, vous avez dit tout à l'heure, et je l'ai noté, système nucléaire. Et bien voilà, radioactivité, nous avons entendu d'ailleurs le nom de Marie Curie, qui, avec beaucoup de courage, à l'école de physique-chimie de Paris, déplaça pratiquement une tonne et demie avec son mari de pêche-blinde, hein, parce que c'était difficile à trouver, hein, il fallait aller chercher ce minerai-là. Suite donc de ce rendez-vous de Continent Science dévolu aux centrales nucléaires, plus exactement au système nucléaire du futur. Alors on rejoint Grenoble tout de suite, puisque c'est en plus là que les choses se passent, et que nous sommes toujours en duplex avec Daniel Heer, qui donc a travaillé en particulier. Quand nous avons consacré à Continent Science une émission stricto sensu sur cette filière que j'avais découverte, c'était en compagnie d'Elsa Merle-Lucotte. Et cette fois, c'est avec vous, Daniel Heer. Est-ce que vous pouvez dresser rapidement le schéma la conception? Alors, je dois dire quelque chose, parce que j'ai peur que vous l'oubliez, et que c'est très important, et que ça vaut dans les deux cas, d'ailleurs. Il y a un process où, sans arrêt, quand on voit quelque chose, un danger possible, une non-sécurité qui apparaît, à ce moment-là, on recombine, on réfléchit encore, on réfléchit beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a un travail préparatoire avec tous les impératifs qu'a listé tout à l'heure Christophe Béard, qui sont tout le temps à l'œuvre. En particulier, tout à l'heure, je ferai peut-être une objection que l'on fait ou qu'on entend concernant votre système. Alors, voilà ce thorium qui donc est un minerai naturel venu de la thorite. Et comment ça se passe? Alors, comment vous organisez les choses? On va avoir à parler, évidemment, de cœur. On va avoir parlé de la manière que on refroidit, qu'on réchauffe et qu'on refroidit, ainsi de suite. Alors, par quoi commencez-vous, Daniel Heer? Déjà, je vais faire une remarque. C'est pas vraiment le thorium en soi qui a un avantage. Oui. Parce que, finalement, vous regardiez le cycle thorium ou le cycle uranium, vous avez quelque chose de relativement équivalent. Oui, surtout, comme fait remarquer Christophe Béard, lorsqu'on est capable d'incinérer l'ensemble des actinides mineures, on ne trouve plus vraiment de grosses différences. Oui, j'aurais dû dire cette fondue. Peut-être une différence sur le thorium, et qui a fait que, de mon point de vue, on s'est longtemps fourvoyé sur le thorium, c'est que la régénération dont on a parlé tout à l'heure, qui consiste en fait à reproduire la matière fissile qu'on a consommée, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un noyau fissile disparaît dans le cœur du réacteur, il faut qu'il y en ait un autre qui apparaisse par capture sur le noyau fertile, cette réaction ne peut se faire quelle que soit l'énergie des neutrons pour le thorium, alors que ce n'est pas le cas pour l'uranium, le cycle uranium. Pour le cycle uranium, lorsque les neutrons sont pas suffisamment énergétiques, le plutonium-239 a tendance à capturer les neutrons et pas fissionner. Donc on perd plus d'uranium, de plutonium, et donc oui, il faut en produire plus. Et en fait, on n'a pas assez de neutrons pour le faire. Donc on est obligé d'avoir des neutrons de plus haute énergie, et donc d'avoir un spectre, ce qu'on appelle rapide, c'est-à-dire qu'on ne ralentit pas les neutrons dans le cœur du réacteur. Oui, pour faire image, pour le cycle thorium, ce n'est pas nécessaire. Voilà, je vous interromps une seconde, je fais cette petite incise. Dans les centrales normales, donc, il faut un modérateur, quelque chose qui ralentit les neutrons. Grosso modo, là encore, ce qu'on trouve toujours pour faire image, ils vont à quelques 20 mètres secondes, alors qu'avec des neutrons rapides, on est à 20 000 km secondes, quoi. Hein, pour faire la différence. Je ferme ma parenthèse. Oui, je sais pas les vitesses en kilomètres par seconde, je connais pas les vitesses. Quelques kilomètres par seconde. C'est ça, voilà. Voilà. Alors. Voilà. Mais donc, on ne ralentit pas les neutrons dans un spectre rapide. C'est ça. Voilà. Ils vont vite. Et donc, pendant très longtemps, les gens ont pensé que le thorium, son gros avantage, c'était justement de pouvoir être régénérateur en spectre thermique, on ralentit les neutrons. Sauf que ce qu'on a découvert en reprenant toutes les études, c'est que, comme le fait remarquer Christophe Béard, c'est un système, c'est pas un réacteur, et donc il y a aussi le cycle du combustible. Et dans le cas de spectre thermique, le cycle de combustible devient très très compliqué, parce que le réacteur est très très sensible à tout ce qui peut se passer, parce que les probabilités d'interaction sont très fortes. Ce qui nous a amené à concevoir plutôt un réacteur en spectre rapide, exactement comme pour le RNR sodium. Oui. Parce qu'on a on a un avantage qui est que on incinère très bien tous les actinides mineurs, américium, curium, neptunium, Et le cycle du combustible est simplifié. Enfin, du moins, on a besoin de retraiter beaucoup moins de combustible. Donc ça, c'est juste une remarque que je voulais faire pour dire qu'en fait, c'est pas vraiment thorium ou uranium qui fait la différence. Et dans notre cas, ce qu'on pense, là où on pense faire la différence, c'est plutôt au niveau de la sûreté du réacteur et de sa simplicité d'utilisation. Dans un réacteur classique, vous avez un combustible qui est contenu dans des crayons, oui, qui est solide, et qui est disposé à l'intérieur du cœur du réacteur et qui va chauffer par les fissions. Et il faut le refroidir. Et donc, on a parlé de la puissance résiduelle. Si la réaction s'arrête et qu'on n'a plus de moyens de refroidissement du cœur du réacteur, ce combustible va fondre et on va donc vers un accident grave. C'est ce qui s'est passé donc à Fukushima ou à Three Mile Island. Dans notre cas, le combustible est liquide. Et comme il est liquide, ça veut dire qu'on peut le déplacer très facilement et on peut le déplacer de manière passive, par gravité, tout simplement. C'est un liquide qui va s'écouler. Et donc, en situation type Fukushima, plutôt que de devoir refroidir absolument le combustible dans le cœur du réacteur, on sort le combustible du cœur du réacteur, on le laisse s'écouler dans des réservoirs qui, eux, ont la capacité de refroidir passivement le combustible, d'assurer que le combustible ne redeviendra pas critique parce qu'il est suffisamment dilué dans une géométrie qui empêche qu'il devienne critique. Et on peut le laisser comme ça dans les configurations qu'on étudie actuellement. On pense qu'on peut rester sans aucune intervention humaine pendant au moins 3 mois sans qu'il y ait le moindre problème. Donc l'avantage essentiel, c'est ça, c'est de pouvoir sortir le combustible du cœur du réacteur très facilement, très rapidement. Ça se fait de l'ordre de quelques minutes. Alors, une des originalités les plus voyantes, en tout cas les plus immédiates que l'on peut voir dans ce système-là, c'est qu'il y a un fluide caloporteur, hein, et que là, dans le fluide caloporteur, tout est mélangé, même le combustible, c'est bien ça. Oui, enfin, le combustible, oui, on peut dire que c'est le fluide caloporteur. Oui. En fait, il faut récupérer un réacteur nucléaire, c'est rien d'autre qu'une chaudière thermique, c'est la même chose qu'une chaudière à charbon ou à gaz, c'est-à-dire qu'on fait de la chaleur, cette chaleur, on doit la transporter vers un système qui va produire de l'électricité. Donc, il faut aller collecter cette chaleur, et dans un combustible solide, ben, on voit bien, on va faire circuler de l'eau autour des crayons pour collecter cette chaleur. Oui. Dans un liquide, on ne va pas pouvoir faire ça, donc c'est le liquide lui-même qui va aller vers des échangeurs de chaleur et où on va aller collecter cette chaleur pour la transporter ensuite vers le système de conversion d'énergie. Et ensuite, comment se fait donc ce système de c'est les standards classiques, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de pompes qui vont permettre donc de mobiliser cette chaleur qui a été créée par le processus précédent. Oui, je continue à essayer de dessiner. Hein. Sauf qu'on est... Ouais. On est en fait un peu à plus haute température. Ça, c'est parce qu'on utilise des sels fluorés. En fait, on montre que quand on veut trouver quel est le liquide, parce que c'est très bien d'avoir un liquide, mais quel liquide, mm-hmm. Et quand on veut trouver quel type de liquide on peut utiliser, on trouve que finalement, on n'a pas beaucoup de choix si on veut respecter tous les critères de... on ne veut pas produire de déchets, on veut que le système fonctionne dans de bonnes conditions, qu'il y ait suffisamment de marge de fonctionnement, etc. On ne trouve que les fluorures de lithium, dans lequel on met du fluorure de thorium, fluorure d'uranium, etc. Et l'inconvénient, parce que c'est quand même un inconvénient, c'est que la température de fusion de ces sels est relativement élevée. C'est de l'ordre de 580 degrés. C'est ça, oui. Donc c'est quand même 600, très haut. Oui, oui. Et donc on fonctionne à des températures supérieures à ça. Alors, on peut le faire, c'est pas tellement la difficulté, mais on se retrouve à avoir en sortie des températures élevées. Le circuit qu'on appelle intermédiaire, celui qui va aller transporter la chaleur au-delà, va être à 550 ou 600 degrés. Et donc, on n'a pas exactement le même système de conversion d'énergie, faire de l'électricité que dans les systèmes classiques, parce qu'on est un peu plus haut en température. Mais c'est des systèmes qui existent déjà, par exemple, dans les centrales à gaz, qui fonctionnent à ce type de température aussi. C'est ça, où on module, donc, et on fait descendre cette température pour qu'elle soit utilisable. Alors, on va essayer... Excusez-moi, je précise. On ne fait pas descendre la température. On utilise... C'est un avantage en soi d'être à haute température, parce que ça permet d'avoir des rendements thermiques meilleur. On peut avoir presque 50% de rendement thermique. Donc c'est un avantage, mais c'est une difficulté parce que c'est travailler à plus haute température, c'est forcément plus compliqué. C'est plus délicat. Travailler à plus basse température. D'accord. Oui, je finis par me mélanger les pinceaux entre les. Enfin bref. Bon, on va réserver nos critiques possibles pour savoir comment être reçu un tel projet. À vous, Christophe Béard, alors cette fois de raconter, ou de décrire plus exactement, de le peindre, de faire une petite aquarelle rapide de ce système. Je dois vous dire, petite remarque, sans ironie, mais un petit peu de malice, que Astrid, c'est quand même futé. C'est une reine, c'est quand même futé, ils sont forts en com. Elle le vaut bien. Oui, d'accord, vous n'allez pas me dire autre chose, monsieur du CEA. Alors Astrid, qu'est-ce que c'est? Oui, vous pourriez décliner l'acronyme, ça me ferait plaisir. Oui, Astrid, ça veut dire Advanced Sodium Technical Reactor for Industrial Demonstration. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un réacteur qui est destiné, avec les installations qui l'entourent, à faire des démonstrations, en particulier dans le domaine de la sûreté, dans le domaine de la disponibilité. Alors, juste en quelques mots, comment a-t-on choisi de travailler sur cette filière ? Nous avions en fait trois grands objectifs, qui étaient, premièrement, d'être capable de brûler tout type de plutonium. Deuxièmement, de ne plus utiliser à terme d'uranium naturel. Et troisièmement, comme je l'ai dit, de brûler des actinides mineurs. Donc, dans les six filières de réacteurs, nous nous sommes intéressés aux trois filières qui étaient à l'époque un neutron rapide, dans les années 2006. Nous avons décidé de ne pas travailler sur le plomb, pour en particulier une raison technique liée à la corrosion par la présence d'oxygène dans le plomb. Nous avons décidé de travailler sur le gaz en coopération avec des pays de l'Est de l'Europe, mais nous avons décidé surtout de faire porter notre effort sur les réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium. C'est ça. À cette époque, mais nous avons travaillé sur le sujet depuis, les réacteurs à neutrons rapides à sel fondu commençaient à apparaître et il nous a semblé que ces réacteurs présentaient un intérêt, mais qui serait probablement plus lointain, pour nous en tout cas, que les réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium. Alors je pense que ce qui est intéressant, c'est d'une part de dire qu'il y a plusieurs dizaines de milliers d'heures de fonctionnement de ce type de réacteur dans le monde. Donc il y a un retour d'expérience qui est extrêmement important. Et ce retour d'expérience... 4000 ans, c'est ça à peu près. Plusieurs milliers d'heures. Oui. Et ce retour d'expérience nous a conduit, nous, à définir nos axes de recherche et de développement. C'est-à-dire qu'on a fait la liste de tous les accidents réels et supposés, ou supposés, qu'on avait sur ce type de réacteur en France ou qu'on a eu dans France et dans le monde, et en face de chaque problème relevé, de trouver ou de définir une solution technique. Si je le dis un peu différemment, le réacteur sur lequel nous travaillons est en nette rupture en termes de concept par rapport à ce qui prévalait en France au travers de Phoenix et de Super Phoenix. Je vous prends un exemple. Tout le monde a fait des expérimentations en classe de terminale où on met un petit bout de sodium sur une planche, on met un peu d'eau dessus et on regarde ce qui se passe. Oui. Eh bien, là, réaction dans ce chimique. Absolument, fortement exothermique. Oui. Donc, ce que nous avons décidé de faire sur ce type de réacteur, c'est par exemple de supprimer l'eau. Donc, voilà une avancée extrêmement importante. On extrait la puissance qui est créée à l'intérieur du combustible, non plus par de l'eau, mais par un gaz qu'on chauffe et qu'on détend classiquement dans une turbine avec un alternateur derrière. Première évolution. Je peux vous citer une deuxième évolution. Nous avons fortement travaillé sur un concept de cœur extrêmement intéressant. Tout à l'heure, on parlait de feedback pour les réactions de réactivité. Ce cœur, ce qui n'est pas naturel pour un gros cœur de réacteur à neutrons rapides refroidis au sodium, a des feedbacks naturels par conception, qui lui permettent de revenir à un état stable en cas de problématique. Enfin, sur les problématiques de puissance résiduelle que vous relevez, le sodium est bonne mère. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que le sodium peut se mettre naturellement en convection naturelle, c'est-à-dire qu'il peut créer son propre mouvement pour extraire la puissance résiduelle du cœur du réacteur. et l'envoyer par un système de thermosiphon dans une cheminée de manière totalement passive. Dit autrement, s'il y avait eu un problème comme celui de Fukushima sur ce type de réacteur, on aurait pu évacuer la puissance résiduelle de manière totalement passive. Donc, je reviens à la description rapide de ce réacteur. Oui. Comme tous les réacteurs, il a un cœur qui est constitué de combustible de type MOX, de réacteur à neutrons rapides, un fluide caloporteur qui circule à l'intérieur de ce cœur pour en extraire la puissance. Nos températures de fonctionnement sont inférieures aux 800 à 900 C dont on parlait tout à l'heure pour le caloporteur mélangé à son combustible thorium. Typiquement, les températures de travail se situent aux alentours de 550 degrés Celsius. Ce sodium échauffé passe dans un échangeur, cède sa chaleur à un deuxième échangeur qui est constitué de sodium, lequel va chauffer le fameux gaz dont je vous parlais tout à l'heure pour produire de l'énergie électrique. C'est le réacteur sur lequel nous sommes en train de travailler. Peut-être quelques mots pour vous dire que nous ne faisons pas ce travail seul. Nous avons des coopérations avec l'industrie. Aujourd'hui, à peu près 600 personnes, que ce soit des industriels français ou étrangers, travaillent dans le domaine de la R&D et de l'ingénierie de ce projet. Recherche et développement. Oui. Nous avons des coopérations entre différents instituts et nous avons des coopérations entre États, en particulier les États-Unis, le Japon, mais aussi la Russie. On peut dire d'ailleurs, et là je me tourne vers vous par les ondes, Daniel Heer, on peut dire aussi que, par exemple, les Chinois sont intéressés déjà, mais avec l'état d'avancement actuel, sont intéressés par votre filière à vous, d'une certaine façon. Hein. Dans tous les cas de figure, aussi bien dans ce que explique Christophe Heer que pour vous, c'est à l'international, partout, tout le temps. Oui, il y a énormément de choses qui se passent actuellement au niveau mondial concernant les réacteurs à sel fondu. Bon, il y a eu à partir de 2011 ou 2012, je me souviens plus, 2012, la Chine qui a décidé de construire des démonstrateurs, donc pour l'instant ce sont les seuls qui ont une décision de construction de démonstrateurs. Leur idée est de refaire ce que les Américains avaient fait dans les années 70. Donc il y a deux réacteurs qui ont fonctionné, et surtout le deuxième, le MSRE, qui était un réacteur expérimental à sel fondu en spectre thermique. Et donc les Chinois ont décidé de refaire ça. Donc en fait, ils ont... À Paris, Christophe Béard agit de son doigt. Hein. Pardon. C'était juste, effectivement, le spectre thermique est important. Ah pardon, il n'y avait pas de thorium. Spectre thermique, mais bon, il n'y avait pas de thorium. On ne suit plus, on ne suit plus. Il n'y a jamais eu de thorium dedans. D'accord, je suis d'accord. Et donc, les Chinois ont décidé de construire deux types de réacteurs. Le premier, c'est un réacteur qui est caloporté sel fondu, mais le combustible n'est pas sel fondu. Ça, c'est pour apprendre à manipuler les sels à haute température et régler tous les problèmes technologiques qui vont avec. Et un deuxième réacteur qui, lui, est quasiment une copie du réacteur américain d'Oak Ridge, de manière à se refaire la main et à réapprendre tout ce qui avait été appris à l'époque, avec dans l'esprit de faire un réacteur du type de celui qu'on propose dans les années, dans le courant des années 20 pour une commercialisation dans les années 30. Donc actuellement, j'ai vu récemment, donc il y a à peu près 700 personnes, 700 ingénieurs qui travaillent au CINAP, qui est le laboratoire chinois qui travaille sur le sujet, avec des budgets qui sont de l'ordre de plusieurs centaines de millions d'euros, fait équivalent. Donc c'est un projet très très sérieux qui a de fortes chances d'aboutir, sachant que les Chinois travaillent très très bien. On sait qu'ils font les choses patiemment et avec sérieux. Quoi. Petite précision. Alors, je précise qu'il y a d'autres. Ouais, je veux juste préciser qu'il y a d'autres initiatives de gens qui veulent construire des réacteurs à sel fondu, mais pas le bon réacteur qu'on aurait dans le futur, mais juste pour faire des choses assez rapidement. Ils ont envie de construire vite. Donc, ce sont des réacteurs qui ne seront pas régénérateurs, qui ne satisfont pas tous les critères nécessaires pour les réacteurs du futur, mais qui auront l'avantage d'apprendre à manipuler les sels fondus, les combustibles en sels fondus, de voir où sont les difficultés, d'avoir une avancée, d'apprendre sur le sujet. Il y a un projet assez sérieux au Canada, il y a un autre projet aux États-Unis, c'est seulement caloporter sels fondus. Il y a un projet anglais, essentiellement, les plus importants, mais il y en a encore quelques autres. Alors, précisons tout de suite, on n'est pas en train de calfeutrer une fissure au fond d'une cuve nucléaire, c'est simplement l'écho des travaux qui se poursuivent dans cette maison, donc c'est simplement des perceuses et absolument pas des flots neutroniques qui seraient en train de nous consumer lentement pour ceux qui entendent ces bruits qu'on dira parasites. On va peut-être passer, on va sortir un petit peu de la technique et en particulier, c'est un peu au hasard, mais c'est des commentaires. Même dans le nucléaire où il y a une espèce de suivi, évidemment, il n'y a pas de tarissement de très bons physiciens qui travaillent à toutes ces questions, mais il y a, des savoir-faire qui peuvent se perdre. Et là, entre le père de Flamanville, qui est, est-ce que je dois le dire, révolutionnaire, celui-là? Hein, il est évolutionnaire. Bon, et ceux de quatrième génération, celui qui nous occupe, ceux qui nous occupent aujourd'hui, est-ce qu'il y, il y a quelque chose qu'il faut réapprendre ou qu'il faut simplement apprendre, puisque le concept général est différent, les composants sont différents, les manières de faire sont différentes, les principes physiques sont différents. Alors, Christophe Béard, je pense que. Vous avez raison de dire que le savoir-faire de nos ingénieurs, de nos chercheurs, c'est quelque chose d'important. Ça faisait effectivement quelques dizaines d'années qu'on avait arrêté de travailler sur les réacteurs à neutrons rapides. Et ce que l'on doit créer, et ce que l'on crée d'ailleurs aujourd'hui, c'est deux types de compétences. D'une part, dans le domaine de la recherche et du développement, adossé au savoir-faire que nous avions acquis, qui tous n'étaient pas partis, et d'autre part, dans le domaine industriel. Nous devons reformer des industriels qui seront à terme capables de fabriquer les sous-ensembles nécessaires à la construction de ce réacteur, si la décision en était prise. Alors, je me tourne à nouveau vers vous, Daniel Heer, et on arrive pratiquement vers notre conclusion. Et malheureusement, le temps a tourné très très vite et la demi-vie de cette émission fut courte. On entend par exemple une critique contre le système que vous défendez, Daniel Heer, c'est de dire que le retraitement est à côté, par exemple, et que ça, c'est peut-être un indice. Donc, à parler avec vous, ça peut être vous transformez en question absolument positive les limites négatives que l'on peut vous fournir. Et j'ai trouvé que c'était une manière intéressante de faire. C'est-à-dire que c'est pas au même niveau, hein. Évidemment, votre système avec celui de Christophe Béard, ça n'est pas au même niveau d'avancement, ainsi de suite. Mais la critique est positive pour vous, dans tous les cas de figure. J'ai bien compris oui, votre réponse. À chaque fois que quelqu'un nous fait une remarque, on est à l'écoute, parce que, en fait, notre mode de fonctionnement est de concevoir le réacteur autour de la sûreté. C'est-à-dire que la sûreté est au centre de tout. On doit absolument avoir la meilleure sûreté possible, tout en conservant des coûts acceptables. Sauf qu'on est incapable de savoir combien ça va coûter. La seule chose qu'on peut faire, c'est essayer de faire simple pour que ce soit pas trop cher. Il n'y a pas de moyen de savoir. On voit bien quand on construit quelque chose, il y a toujours un facteur 2 ou 3 sur le prix réel. Oui. Donc on ne peut pas s'avancer. Bon, je vais. Mais donc chaque fois qu'on nous fait une remarque, oui, on la prend et on essaie de trouver une solution. Et à d'accord, chaque fois, on trouve des solutions. On trouve des solutions qui arrivent à résoudre les problèmes qu'on nous pose. On a 5 secondes pour répondre, puisqu'il faut que vous formiez la conclusion, Christophe Béard. Vous avez la même attitude ? Grosso modo, en 5 secondes. Je pense que regrouper en même endroit réacteur et usine de retraitement, c'est une tâche qui est ardue. Mais je pense aussi qu'il faut absolument poursuivre les recherches et le développement sur les réacteurs à sel fondu, parce que ça pourrait être une solution dans un futur un peu plus lointain que les RNR sodium. Donc on voit bien que ça n'est pas alternatif, mais que les choses peuvent être conjointes ou conjuguées. En tout cas, c'était Continent Science. Merci de votre attention et de votre fidélité. Vos remarques et vos critiques restent bien sûr les bienvenues. Aujourd'hui à la technique de Phare Guérite. France Bleu Isère à la technique, et bien c'était Pierre Alcaté. Pour la documentaire Ribochamp,